suis dans cet espoir mutilé à Bayonne pour les Bayonnaises et les Bayonnais de gauche. Et voilà, je crois que ça c'est quelque chose d'assez grave. Cela dit, bon, on verra, 26 voix d'écart, il faudra aussi étudier les modalités précises. Hein. A priori, c'est le résultat tel qu'il devrait être proclamé d'après ce que j'en sais. Bah, vous avez, tout le monde a bien compris, voilà. Quand on est dans une triangulaire avec deux listes de gauche, avec une liste de gauche bien à 26 voix de l'arrivée, je crois que voilà, on a tout de suite identifié les responsabilités partagées. Ce soir, ce deuxième tour, nous étions seuls contre tous. Nous étions seuls contre l'union des quatre autres têtes de liste du premier tour. Donc il faut mesurer aussi quelque part l'exploit de cet entre-deux-tours, la formidable attente qu'il y avait aussi chez les Bayonnaises et les Bayonnais pour un véritable changement, pour un renouvellement, pour de la jeunesse et de la compétence aux affaires. Voilà, je crois que c'est dommage, c'est une occasion manquée. Pour parler de... Enfin, ça...